Chapitre 2e. Le pont n'était encore qu'un immense chantier livré à une armée de travailleurs. Je ne pouvais me croire à bord d'un navire. Plusieurs milliers d'hommes, ouvriers, gens de l'équipage, mécaniciens, officiers, manœuvres, curieux, se croisaient, se coudoyaient sans se gêner, les uns sur le pont, les autres dans les machines, ceux-ci courant les roufles, ceux-là éparpillés à travers la mâture, tous dans un pêle-mêle qui échappe à la description. Ici, des grues volantes enlevaient d'énormes pièces de fonte. Là, de lourds madriers étaient hissés à l'aide de treuils à vapeur. Au-dessus de la chambre des machines se balançait un cylindre de fer, véritable tronc de métal. À l'avant, les vergues montaient en gémissant le long des mâts de hune. À l'arrière se dressait un échafaudage qui cachait sans doute quelque édifice en construction. On bâtissait, on ajustait, on charpentait, on gréait, on peignait au milieu d'un incomparable désordre. Mes bagages avaient été transbordés. Je demandai le capitaine Anderson. Le commandant n'était pas encore arrivé, mais un des stewards se chargea de mon installation et fit transporter mes colis dans une des cabines de l'arrière. « Mon ami, lui dis-je, le départ du Great Eastern était annoncé pour le 20 mars, mais il est impossible que tous ces préparatifs soient terminés en 24 heures. Savez-vous à quelle époque nous pourrons quitter Liverpool ?» À cet égard, le steward n'était pas plus avancé que moi. Il me laissa seul. Je résolus alors de visiter tous les trous de cette immense fourmilière, et je commençai ma promenade comme eût fait un touriste dans quelque ville inconnue. Une boue noire, cette boue britannique qui secoue le pavé des villes anglaises, couvrait le pont du steamship. Des ruisseaux fétides serpentaient çà et là. On se serait cru dans un des plus mauvais passages d'Upper Farm Street, aux abords du pont de Londres. Je marchais en rasant ces roufles qui s'allongeaient sur l'arrière du navire. Entre eux, les bastingages, de chaque côté, se dessinaient de larges rues ou plutôt de boulevards qu'une foule compacte encombrait. J'arrivais ainsi au centre même du bâtiment, entre les tambours réunis par un double système de passerelles. Là s'ouvrait le gouffre destiné à contenir les organes de la machine à roues. J'aperçus alors cet admirable engin de locomotion. Une cinquantaine d'ouvriers étaient répartis sur les claires-voies métalliques du bâti de fonte, les uns accrochés aux longs pistons inclinés sous des angles divers, les autres suspendus aux bielles, ceux-ci ajustant l'excentrique, ceux-là boulonnant au moyen d'énormes clés les coussinets des tourillons. Ce tronc de métal qui descendait lentement par l'écoutille, c'était un nouvel arbre de couche destiné à transmettre aux roues le mouvement des bielles. De cet abîme sortait un bruit continu, fait de son aigre et discordant. Après avoir jeté un rapide coup d'œil sur ces travaux d'ajustage, je repris ma promenade et j'arrivai sur l'avant. Là, les tapissiers achevaient de décorer un vaste roufle désigné sous le nom de Smoking Room, la chambre à fumer, le véritable estaminet de cette ville flottante, magnifique café éclairé par 14 fenêtres, plafonné blanc et or, lambrissé de panneaux en citronnier. Puis, après avoir traversé une sorte de petite place triangulaire que formait l'avant du pont, j'atteignis l'étrave qui tombait d'aplomb à la surface des eaux. De ce point extrême, me retournant, j'aperçus dans une déchirure des brumes l'arrière du Great Eastern à une distance de plus de 2 hectomètres. Ce colosse mérite bien qu'on emploie de tels multiples pour en évaluer les dimensions. Je revins en suivant le boulevard de Tribord, passant entre les roufles et les pavois, évitant le choc des poulies qui se balançaient dans les airs et le coup de fouet des manœuvres que la brise cinglait çà et là, me dégageant ici des heurts d'une grue volante, et plus loin des scories enflammées qu'une forge lançait comme un bouquet d'artifice. J'apercevais à peine le sommet des mâts, haut de 200 pieds, qui se perdait dans le brouillard, auquel les tendeurs de service et les charbonniers mêlaient leur fumée noire. Après avoir dépassé la grande écoutille de la machine à roues, je remarquai un petit hôtel qui s'élevait sur ma gauche, puis la longue façade latérale d'un palais surmonté d'une terrasse dont on fourbissait les garde-fous. Enfin, j'atteignis l'arrière du steamship, à l'endroit où s'élevait l'échafaudage que j'ai déjà signalé. Là, entre le dernier roufle et le vaste caillebotis au-dessus duquel se dressaient les 4 roues du gouvernail, des mécaniciens achevaient d'installer une machine à vapeur. Cette machine se composait de 2 cylindres horizontaux et présentait un système de pignons, de leviers, de déclics qui me sembla très compliqué. Je n'en compris pas d'abord la destination, mais il me parut qu'ici, comme partout, les préparatifs étaient loin d'être terminés. Et maintenant, pourquoi ces retards? Pourquoi tant d'aménagements nouveaux à bord du Great Eastern, navire relativement neuf? C'est ce qu'il faut dire en quelques mots. Après une vingtaine de traversées entre l'Angleterre et l'Amérique, et dont l'une fut marquée par des accidents très graves, l'exploitation du Great Eastern avait été momentanément abandonnée. Cet immense bateau, disposé pour le transport des voyageurs, ne semblait plus bon à rien et se voyait mis au rebut par la race défiante des passagers d'outre-mer. Lorsque les premières tentatives pour poser le câble sur son plateau télégraphique eurent échoué, un succès dû en partie à l'insuffisance des navires qui le transportaient, les ingénieurs songèrent au Great Eastern. Lui seul pouvait emmagasiner à son bord ses 3400 km de fil métallique pesant 4500 tonnes. Lui seul pouvait, grâce à sa parfaite indifférence à la mer, dérouler et immerger cet immense grelin. Mais pour arrimer ce câble dans les flancs du navire, il fallut des aménagements particuliers. On fit sauter 2 chaudières sur 6 et 1 cheminée sur 3 appartenant à la machine de l'hélice. À leur place, de vastes récipients furent disposés pour y loger le câble qu'une nappe d'eau préservait des altérations de l'air. Le fil passait ainsi de ses lacs flottants à la mer sans subir le contact des couches atmosphériques. L'opération de la pose du câble s'accomplit avec succès, et le résultat obtenu, le Great Eastern, fut relégué de nouveau dans son coûteux abandon. Survint alors l'exposition universelle de 1867. Une compagnie française, dite Société des affréteurs du Great Eastern, à responsabilité limitée, se fonda au capital de 2 millions de francs, dans l'intention d'employer le vaste navire au transport des visiteurs transocéaniens. De là, nécessité de réapproprier le steamship à cette destination, nécessité de combler les récipients et de rétablir les chaudières, nécessité d'agrandir des salons que devaient habiter plusieurs milliers de voyageurs et de construire ces roufles contenant des salles à manger supplémentaires. Enfin, aménagement de 3000 lits dans les flancs de la gigantesque coque. Le Great Eastern fut affrété au prix de 25 000 francs par mois. 2 contrats furent passés avec G. Forrester & Co. de Liverpool. Le premier, au prix de 538 750 francs, pour l'établissement des nouvelles chaudières de l'hélice. Le second, au prix de 662 500 francs, pour réparation générale et installation du navire. Avant d'entreprendre ces derniers travaux, le Board of Trade exigea que le navire fût passé sur le grill afin que sa coque pût être rigoureusement visitée. Cette coûteuse opération faite, une longue déchirure du bord extérieur fut soigneusement réparée à grands frais. On procéda alors à l'installation des nouvelles chaudières. On dut changer aussi l'arbre moteur des roues qui avait été faussé pendant le dernier voyage. Cet arbre, coudé en ce milieu pour recevoir la bielle des pompes, fut remplacé par un arbre muni de 2 excentriques, ce qui assurait la solidité de ces pièces importantes sur lesquelles porte tout l'effort. Enfin, et pour la première fois, le gouvernail allait être mu par la vapeur. C'est à ces délicates manœuvres que les mécaniciens destinaient la machine qu'ils ajustaient à l'arrière. Le timonier, placé sur la passerelle du centre, entre les appareils à signaux des roues et de l'hélice, avait sous les yeux un cadran pourvu d'une aiguille mobile qui lui donnait à chaque instant la position de sa barre. Pour la modifier, il se contentait d'imprimer un léger mouvement à une petite roue mesurant à peine 1 pied de diamètre et dressé verticalement à portée de sa main. Aussitôt des valves s'ouvraient, la vapeur des chaudières se précipitait par de longs tuyaux de conduite dans les 2 cylindres de la petite machine, les pistons se mouvaient avec rapidité, les transmissions agissaient, et le gouvernail obéissait instantanément à ses drosses irrésistiblement entraînées. Si ce système réussissait, un homme gouvernerait, d'un seul doigt, la masse colossale du Great Eastern. Pendant 5 jours, les travaux continuèrent avec une activité dévorante. Ces retards nuisaient considérablement à l'entreprise des affréteurs. Mais les entrepreneurs ne pouvaient faire plus. Le départ fut irrévocablement fixé au 26 mars. Le 25, le pont du steamship était encore encombré de tout l'outillage supplémentaire. Enfin, pendant cette dernière journée, les passavants, les passerelles, les roufles se dégagèrent peu à peu. Les échafaudages furent démontés. Les grues disparurent. L'ajustement des machines s'acheva. Les dernières chevilles furent frappées et les derniers écrous vissés. Les pièces polies se couvrirent d'un enduit blanc qui devait les préserver de l'oxydation pendant le voyage. Les réservoirs d'huile se remplirent. La dernière plaque reposa enfin sur sa mortaise de métal. Ce jour-là, l'ingénieur en chef fit l'essai des chaudières. Une énorme quantité de vapeur se précipita dans la chambre des machines. Penché sur l'écoutille, enveloppé dans ses chaudes émanations, je n'y voyais plus rien. Mais j'entendais les longs pistons gémir à travers leurs boîtes à étoupe et les gros cylindres osciller avec bruit sur leurs solides tourillons. Un vif bouillonnement se produisait sous les tambours, pendant que les pales frappaient lentement les eaux brumeuses de la Mersey. À l'arrière, l'hélice battait les flots de sa quadruple branche. Les deux machines, entièrement indépendantes l'une de l'autre, étaient prêtes à fonctionner. Vers 5 heures du soir, une chaloupe à vapeur vint accoster. Elle était destinée au Great Eastern. Sa locomobile fut détachée d'abord et hissée sur le pont au moyen des cabestans. Mais quant à la chaloupe elle-même, elle ne put être embarquée. Sa coque d'acier était d'un poids tel que les pistolets sur lesquels on avait frappé les palans plièrent sous la charge, effet qui ne se fût pas produit sans doute si on les eût soutenus au moyen de balancines. Il fallait donc abandonner cette chaloupe. Mais il restait encore au Great Eastern un chapelet de 16 embarcations accrochées à ses porte-manteaux. Ce soir-là, tout fut à peu près terminé. Les boulevards nettoyés n'offraient plus trace de boue. L'armée des balayeurs avait passé par là. Le chargement était entièrement achevé. Vivres, marchandises, charbon occupaient les cambuses, la cale et les soutes. Cependant, le steamer ne se trouvait pas encore dans ses lignes d'eau et ne tirait pas les 9 mètres réglementaires. C'était un inconvénient pour ses roues, dont les aubes, insuffisamment immergées, devaient nécessairement produire une poussée moindre. Néanmoins, dans ces conditions, on pouvait partir. Je me couchai donc avec l'espoir de prendre la mer le lendemain. Je ne me trompais pas. Le 26 mars, au point du jour, je vis flotter au mât de misaine le pavillon américain, au grand mât le pavillon français, et à la corne d'Artimon le pavillon d'Angleterre.